12e chapitre. Départ de Calcutta. Le Gange. Raj Mahal. Gore. Djungera. Mangir. Patna. Deinapore. Kazipur. Benares. Religion des hindous. Description de Benares. Palais et temples. Les places sacrées. Les singes sacrés. Les ruines de Sarnath. Plantation d'indigo, visite au Raja de Benares, martyr et fakir, le paysan indien, l'établissement des missions. Le 10 décembre, après un séjour de 5 semaines, je quittais Calcutta pour me rendre à Benares. On peut faire le voyage par terre ou par eau sur le Gange. Par terre, la distance est de 470 000 anglais. Par eau, pendant la saison des pluies, elle est de 685 et par le temps sec de 400 000 en plus, parce qu'on est obligé de faire des détours extraordinaires pour passer de l'Ugly par les Sundarbans dans le Gange. Le voyage par terre se fait dans des palanquins de poste portés par des hommes dont on change comme de chevaux tous les 4 ou 6 000. On voyage jour et nuit. Et à chaque station, on trouve les porteurs tout prêts, car une lettre d'avis annonce le voyageur 1 ou 2 jours à l'avance. La nuit, un porte-flambeau se joint encore au cortège pour chasser les bêtes fauves par l'éclat de la flamme. Les frais de voyage sont environ de 200 roupies pour une personne. Le transport des bagages se paye à part. On peut faire le voyage par eau, dans des bateaux à vapeur qui partent presque toutes les semaines pour Allahabad, 115 milles par Benares. Le trajet dure de 14 à 20 jours, car à cause de nombreux bancs de sable, on ne peut voyager que 2 jours. Et cependant, on a souvent le malheur de s'engraver, surtout quand les eaux sont basses. Le prix jusqu'à Benares est pour les premières places de 257 roupies et pour les secondes de 216 roupies. La nourriture seule, sans la boisson, se paye 3 roupies par jour. Comme on m'avait beaucoup vanté les belles rives du Gange, les villes considérables qui se trouvent sur ses bords, je choisis le voyage par eau. On annonçait pour le 8 décembre le départ du vapeur le général MacLeod, de la force de 140 chevaux sous le commandement du capitaine Kellar. Arrivé à bord, j'appris que le départ était retardé de 24 heures. À mon grand déplaisir, le délai fut doublé et nous ne partîmes que le 10 à 11 heures du matin. Nous descendîmes le fleuve jusqu'à Katchuri. Le lendemain, nous entrâmes près de Mud Point dans les Sundarbans, et nous naviguâmes dans ces eaux jusqu'à Khulna. De là, nous profitâmes du Guri, affluent considérable du Gange, qui se jette dans ce grand fleuve au-dessous de Rumpur Bolea. Les premiers jours du voyage furent excessivement monotones. Nous ne vîmes ni ville ni village. Les bords restèrent toujours plats, et de toutes parts, le pays était couvert de hauts buissons épais que les Anglais appellent « jungles », c'est-à-dire « forêt vierge ». Mais je ne pouvais reconnaître là une forêt vierge, car ce nom me représente une forêt de grands beaux arbres. La nuit, nous entendions quelquefois rugir des tigres. Ils sont assez répandus dans ces contrées et attaquent même quelquefois des indigènes isolés qui s'attardent à ramasser du bois. On nous montra un lambeau d'habit attaché à un buisson pour rappeler qu'à cette place, un indigène avait été déchiré par un de ses animaux. Mais les tigres ne sont pas les seuls ennemis de l'homme. Le Gange en renferme d'autres très dangereux, les voraces crocodiles. On les voit souvent se chauffer au soleil par bandes de 6 ou 8 sur les bords marécageux ou sur des bancs de sable. Ils ont de 2 à 5 mètres de long. À l'approche de notre bruyant vapeur, ils s'enfonçaient en toute hâte sous les flots jaunes et sales du fleuve. les canaux des Sunderbans et du Guri sont si étroits que si l'on vient à rencontrer un vaisseau, on évite qu'avec peine un abordage, et ils forment souvent des bassins larges de plusieurs milles. Quoiqu'on ne navigue que pendant le jour, à cause des bancs de sable et des bas-fonds, il n'en arrive pas moins des accidents assez fréquents et assez graves. Nous aussi, nous n'en fûmes pas entièrement exempts. Dans un des canaux étroits, il fallut arrêter notre vapeur pour en laisser passer un autre. À cette occasion, un des deux bateaux que nous remorquions vint se heurter si fort contre notre vapeur que la paroi d'une cabine fut enfoncée, mais heureusement, personne ne fut blessé. Dans un autre canal, deux bateaux d'indigènes étaient à l'ancre. Ces bonnes gens, ne nous ayant aperçus qu'un peu tard, n'avaient pas encore eu le temps de lever l'ancre quand nous arrivâmes sur eux avec fracas. Le capitaine n'arrêta point, car il comptait encore pouvoir passer, mais en virant trop brusquement de bord, il avait si violemment heurté les buissons que quelques jalousies de bois des fenêtres des cabines y restèrent pendues comme des trophées. Exaspéré de cette mésaventure, il dépêcha aussitôt une barque et fit couper les câbles des ancres de ces malheureux indigènes. Note, c'est-à-dire enlever les bouées auxquelles les ancres sont attachées, ce qui entraîne naturellement la perte de ces dernières. Fin de note. Cet acte était encore bien digne d'un Européen. Près de Khulna, à 308 milles de la mer, nous entrâmes dans un affluent du Gange, le Guri, qui se jette au-dessous de Rumpur-Bolea dans le fleuve. Ici, les jungles s'éloignent et de belles plantations de riz, de colza et autres viennent prendre leur place. Il y avait un assez grand nombre de villages. Seulement les huttes composées en grande partie de paille ou de feuilles de palmier étaient petites et misérables. Notre vapeur attirait les habitants. Ils quittaient les huttes et les champs et des cris d'allégresse nous suivaient partout. Le 15 décembre au soir, nous donnâmes pour la première fois contre un banc de sable et nous eûmes quelque peine à nous remettre à flot. 16 décembre. Dès la veille, nous étions entrés dans le Gange. Aujourd'hui, nous arrêtâmes tard dans la soirée près du petit village de Komerkoli. Les habitants nous apportèrent des provisions de toute espèce et nous pûmes ainsi nous mettre au courant des prix. Un beau mouton coûtait 4 roupies. Une douzaine et demie de jeunes poulets, 1 roupie. Un poisson du poids de plusieurs livres, 1 anas. 4 kreutzer, environ 14 centimes. 8 œufs, 1 ana. 20 oranges, 2 ana. 1 livre de pain blanc, 3 beis. 3 kreutzer ou 10 centimes. Et malgré ces bas prix, le capitaine prenait toujours 3 roupies pour la nourriture des passagers. Si encore, elle avait été bonne. Quelques passagers achetèrent des œufs, du pain frais et des oranges, et le capitaine ne rougit pas de faire figurer à sa table, passablement cher, les articles achetés par les voyageurs. 18 décembre, Bilia, endroit considérable où se trouvent de nombreuses prisons destinées à garder des criminels amenés de tous côtés. Note, le nombre des prisonniers était alors de 782. Il faut croire que les prisonniers indiens ne cherchent pas à s'échapper comme nos Européens, car ils étaient légèrement enchaînés et circulaient sans garde, isolément ou plusieurs ensemble dans les alentours. Ils sont convenablement vêtus et on les emploie à des travaux peu pénibles. Ils travaillent la plupart dans une fabrique de papier. Dans cet endroit, les habitants paraissent être des plus fanatiques. Je me promenais dans la petite ville avec un voyageur, M. Lo, et nous nous disposions à prendre une ruelle dans laquelle s'élevait un temple hindou, quand ces malheureux s'aperçurent de notre intention. Ils poussèrent des cris épouvantables et se ruèrent si vivement sur nous que nous jugeâmes prudent de modérer notre curiosité et de rebrousser chemin. 19 décembre. Aujourd'hui, se montrèrent de basses chaînes de montagnes, les Raj Mahal Hills, les premières depuis Madras. Le soir, nous étions échoués sur un banc de sable. Nous passâmes la nuit assez tranquillement, mais le matin, tout fut employé pour nous remettre à flot. Les bateaux à remorquer furent détachés. Les machines furent chauffées le plus possible. Les matelots travaillèrent sans relâche et vers midi, nous étions encore aussi engravés que la veille au soir. En ce moment, approcha un vapeur allant d'Allahabad à Calcutta. Notre capitaine ne hissa pas le pavillon de détresse. Il était extrêmement contrarié d'être vu dans cette position par un de ses collègues. Cependant, le capitaine de l'autre bateau ne lui en offrit pas moins ses services. Mais on le remercia laconiquement et en termes secs et peu gracieux. Ce ne fut qu'après plusieurs heures d'efforts inouïs que nous réussîmes à nous dégager et à rentrer dans le courant du fleuve. Dans la journée, nous touchâmes à Raj Mahal, grand village qu'on dit très malsain à cause de ses épaisses forêts et des nombreux marécages dont il est entouré. Note. Raj Mahal était au XVIIe siècle la capitale du Bengale. Fin de note. C'est ici que s'élevait autrefois Gour, une des plus grandes villes de l'Inde qui occupait un espace de 20 000 carrés et environ 2 millions d'habitants. On trouve encore, suivant le rapport des voyageurs modernes, beaucoup de belles ruines, dont la plus remarquable est la mosquée d'or, édifice magnifique incrusté de marbre avec des portes célèbres par leurs grandes arches et la solidité de leurs murs. Comme il y avait ici par bonheur une station pour le charbon, on nous accorda quelques heures de liberté. Les jeunes gens en disposèrent pour faire une partie de chasse à laquelle on se sentait naturellement invité par de superbes forêts, les plus belles que j'eusse vues jusqu'alors dans l'Inde. On disait, il est vrai, qu'elles étaient très peuplées de tigres, mais cela ne fit reculer personne. J'allais aussi de mon côté à la chasse, mais à une chasse d'une autre nature. Je parcourus dans tous les sens les bois et les marais pour découvrir les ruines. Je les trouvais aussi, mais qu'il y en avait peu et combien elles étaient misérables. Les plus considérables étaient deux simples portes de ville construites en pierre de grès et ornées de quelques jolies sculptures, mais dépourvues de hautes voûtes et de cintres. Je vis aussi un temple insignifiant flanqué aux quatre coins de tourelles qui, à certaines places, était revêtu d'un mortier assez fin. Il y avait encore dans les alentours quelques ruines ou des fragments isolés d'édifices, de colonnes, etc. Mais toutes les ruines réunies n'occupent pas une surface de 2000 carrés. Sur la lisière de la forêt, ou à quelques centaines de pas plus loin, on apercevait de nombreuses cabanes d'indigènes où l'on arrivait par les plus jolis chemins sous de sombres allées ombragées. À Bilia, les habitants étaient très fanatiques. Ici, les maris sont très jaloux. À la fin de mon excursion, un des voyageurs était venu me joindre et nous passions près des habitations. Dès que les hommes aperçurent mon compagnon, ils crièrent aussitôt à leurs femmes de se réfugier dans les cabanes. Elles coururent aussi à droite et à gauche pour s'y rendre, mais elles s'arrêtèrent tranquillement sous la porte pour nous voir passer et oublièrent tout à fait de se couvrir le visage. On trouve dans ces contrées des forêts entières de cocotiers. L'Inde est la véritable patrie de cet arbre qui y arrive à plus de 25 mètres de haut et qui porte des fruits dès la sixième année. Dans d'autres pays, il n'atteint guère plus de 15 mètres et ne porte des fruits que dans sa 12e ou 15e année. Cet arbre est peut-être le plus utile qu'il y ait au monde. Il fournit un gros fruit nourrissant, un lait délicieux, de grandes feuilles qui servent à couvrir et à enclore les cabanes, les câbles les plus forts, l'huile à brûler la plus pure, des nattes, des étoffes tissées, des matières odorantes et même une boisson, le sûr, appelé aussi toddy, ou l'eau de vie de palmier que l'on obtient en faisant des entailles dans la couronne de l'arbre. Pendant tout un mois, les hindous grimpent matin et soir jusque sous la couronne du palmier, font quelques entailles dans le tronc et attachent des pots dessous pour recueillir le suc qui en découle. Comme l'écorce de l'arbre est très rugueuse, l'Indien trouve beaucoup de facilité à y grimper. Il passe un fort lacet autour du tronc de l'arbre et du milieu de son corps, et un second autour de ses pieds, qu'il appuie contre l'arbre. Puis il s'élance en haut en tirant la partie inférieure du lacet avec la main et avec la pointe de ses pieds. Je vis monter de cette manière aux arbres les plus élevés, avec une grande légèreté, en moins de 2 minutes. Ils ont autour du corps une courroie à laquelle sont pendus un couteau et 1 ou 2 pots. Le suc tiré de l'arbre est d'abord clair, doux et agréable. Mais au bout de 6 à 8 heures, il devient blanchâtre et prend un goût dur et âpre. En y ajoutant du riz, on peut en faire de l'arrak très fort. Un bon arbre fournit en 24 heures plus de 2 pintes de ce suc, mais dans l'année où l'on extrait ce taudis, il ne porte pas de fruits. 21 décembre, à environ 70 milles au-dessous de Rajamahal, on passe près de 3 rochers assez escarpés qui s'élèvent au sein du Gange. Le premier peut avoir 20 mètres de haut. Celui du milieu, couvert de quelques buissons, sert de séjour à un fakir à qui des fidèles fournissent des vivres. Nous ne vîmes pas ce saint homme, car il commençait à faire nuit quand nous passâmes devant son rocher. Nous regrettâmes bien plus de ne pas avoir pu visiter le jardin botanique de Bogulpur, qui passe pour le plus beau de l'Inde. Mais comme à Bogulpur on ne prenait pas de charbon, on ne s'y arrêta pas non plus. Le 22 décembre, nous passâmes près du merveilleux groupe de rochers Djongera, qui sort comme une île féerique des eaux du fleuve. Cet endroit a été vénéré autrefois comme le lieu le plus sacré du Gange. Des milliers de bateaux et de navires sillonnaient sans cesse le beau fleuve. Pas un hindou ne mourait tranquillement s'il n'avait visité Djongera. Beaucoup de fakirs faisaient là leur métier, fortifiaient les pèlerins par des discours édifiants et recevaient d'eux en échange de pieux dons. Aujourd'hui, cet endroit a perdu son prestige et le tribut qu'apportent les fidèles suffit à peine pour conserver la vie à 2 ou 3 fakirs. Le soir, nous fîmes une halte près de Mongir, assez grande ville avec d'anciennes fortifications. Note: Mongir est appelé le Birmingham de l'Inde à cause de ses nombreuses fabriques d'acier et d'armes et ses coutelleries. Sa population est de près de 30 000 âmes. Ce qui attire avant tout l'attention, c'est un cimetière surchargé de monuments d'un caractère tout particulier et qui, si je n'en avais pas déjà vu de semblable à Calcutta, ne m'aurait certes pas semblé appartenir à une religion chrétienne. Il y avait des temples, des pyramides, d'énormes catafalques, des kiosques, etc. Toutes des constructions massives en briques. La grandeur de ce cimetière n'est nullement en rapport avec le petit nombre des Européens établis à Mongir. Mais c'est, dit-on, l'endroit le plus malsain de toute l'Inde, de sorte qu'un Européen qui y est envoyé pour plusieurs années prend d'ordinaire pour toujours congé de sa famille. À 5 000 de Mongir, il y a des sources chaudes, regardées comme sacrées par les indigènes. Nous avions déjà perdu de vue à Rajmahal Hills, à Bogulpur. Une immense plaine s'étendait de nouveau des 2 côtés du fleuve. 24 décembre, Patna, une des plus grandes et des plus anciennes villes du Bengale, ayant une population d'environ 300 000 âmes, se compose d'une rue très large et longue de 8 000 anglais à laquelle viennent aboutir beaucoup de courtes ruelles. Note: Patna, capitale de la province Béchar, fut autrefois très célèbre par ses nombreux temples de Bouddha. C'est dans le voisinage de Patna qu'était antérieurement la ville la plus renommée de l'Inde, Parli Botra. Patna renferme beaucoup de manufactures de coton et quelques fabriques d'opium. Note 2 au sujet de la population de 300 000 âmes. Dans tous les pays indiens, mahométans, et on pourrait dire dans tous les pays non chrétiens, il est excessivement difficile d'indiquer le nombre exact des habitants d'une ville, car il n'est rien que le peuple déteste autant que ce genre de recensement. Je trouvais presque toutes les maisons en argile excessivement petites et misérables. Sous les auvents, on voit étaler des marchandises et des denrées de l'espèce la plus commune. La partie de la rue dans laquelle se trouvent la plupart de ces pauvres magasins porte le nom ambitieux de bazar. Il n'aurait pas été difficile de compter les quelques maisons qui présentaient un caractère plus noble. Elles étaient construites en briques et entourées de galeries et de colonnes élégantes sculptées en bois. C'était aussi dans ces maisons qu'on trouvait les magasins les plus beaux et les plus riches. Les temples des hindous, les ghôtes, escaliers, colonnades, portiques, qui donnent sur le Gange, promettent, comme les mosquées des mahométans, toujours beaucoup de loin. Mais c'est peu de choses quand on les examine de près. Je ne fus frappé que de quelques mausolées en forme de cloche, comme ceux de Ceylan. Ils étaient beaucoup plus grands que ces derniers, mais ne s'en distinguaient pas par l'architecture. Leur circonférence était de plus de 66 mètres et leur hauteur de plus de 27. On pénètre dans l'intérieur par de simples portes très basses. Au dehors, des escaliers étroits formant un hémicycle conduisent des deux côtés jusqu'au faîte. On n'ouvrit pas la porte et il fallut nous contenter de l'assurance qu'il ne s'y trouvait rien d'autre qu'un sarcophage. Patna est un endroit extrêmement important pour le commerce de l'opium qui enrichit beaucoup d'indigènes. Ils n'étalent pas d'ordinaire leur richesse dans leurs habits et ne font parade d'aucun luxe extérieur. Il n'y a que deux costumes, celui de l'homme aisé, semblable à celui des orientaux, et celui de l'indigent, composé d'un morceau d'étoffe passé autour des hanches. La principale rue de la ville est excessivement animée. On y voit aller et venir une grande quantité de voitures et de piétons. L'hindou est comme le juif, ennemi si déclaré de la marche que plutôt que d'aller à pied, il se contente de la plus mauvaise place dans une misérable charrette. Le véhicule le plus ordinaire consiste en une charrette étroite sur deux roues entourée de quatre pieux et perches transversales. Ces perches sont garnies d'une étoffe en laine de couleur et une espèce de baldaquin garanti contre le soleil. Dans cette charrette, il n'y a, à proprement parler, place que pour deux personnes. Mais j'en voyais souvent trois ou quatre pressées, les unes contre les autres. Je songeais alors aux Italiens qui savent si bien s'entasser dans les voitures, assis et debout, et ne laissent même pas les marchepieds libres. Ces charrettes s'appellent des bélices. Elles sont fermées de rideaux épais quand il y a des femmes dedans. Sur la foi de quelques descriptions de voyage, je comptais trouver dans les rues beaucoup de chameaux et d'éléphants. Cependant, je n'y vis que des bélices traînées par des bœufs et quelques cavaliers. Mais je n'aperçus ni chameaux ni éléphants. Vers le soir, nous nous rendîmes à Dénapore, éloigné de 8 000 de Patna. Note. Je me fis débarquer à Patna avec deux voyageurs et vers le soir, je me rendis en voiture à Dénapore, où notre vapeur jeta l'ancre pour la nuit. Fin de note. Une route de poste bordée de beaux arbres y conduit à travers des champs fertiles. Dénapore est une des plus grandes stations militaires de l'Inde anglaise, à de vastes casernes qui, à elles seules, forment presque une ville. Dénapore n'est pas très loin des casernes. Parmi les habitants, il y a beaucoup de mahométans qui se distinguent des hindous par leur activité et leur industrie. J'aperçus ici, dans un sérail, situé en dehors de la ville, des éléphants. C'étaient les premiers que je voyais sur le continent de l'Inde. Il y en avait 8 superbes. Note, les sérails sont de grands et beaux hôtels avec de petits hangars et de petites chambres ouverts aux voyageurs de toutes les nations. Fin de note. Quand le soir nous retournâmes à notre bateau, nous y trouvâmes autant de mouvements que dans un camp. Tous les articles imaginables y avaient été apportés et étalés. Parmi les marchands se distinguaient surtout les cordonniers dont les chaussures paraissaient belles et solidement établies et étaient excessivement bon marché. Une paire de bottes d'homme, par exemple, coûtait 1 roupie et demie ou 2, mais on en demandait toujours le double. Je vis à cette occasion comment les marins anglais faisaient le commerce avec les indigènes. Un des machinistes, ayant voulu acheter une paire de souliers, offrit le quart du prix exigé. Le vendeur n'accepta pas cette offre et reprit sa marchandise. Mais le machiniste la lui arracha des mains, lui jeta quelques baisses de plus que la somme offerte et retourna dans sa cabine. Le cordonnier courut après lui et réclama ses souliers. Mais on lui donna à la place quelques coups de poing en le menaçant de le faire partir immédiatement du bateau s'il ne se tenait pas tranquille. Et le pauvre diable s'en retourna à ses marchandises. Le même soir, un jeune garçon hindou apporta une boîte pour un des voyageurs et réclama une bagatelle pour sa peine. Mais on n'y fit pas attention. Le garçon ne s'en alla pas et renouvela sa demande à plusieurs reprises. Alors on le chassa, et comme il tardait à s'en aller, on le rudoya. Par hasard, le capitaine survint et demanda ce qu'il y avait. Le garçon raconta en sanglotant sa mésaventure. Le capitaine haussa les épaules et le petit malheureux fut expulsé du bateau. Que de traits de ce genre et d'autres bien plus déplorables n'ai-je pas vu. Si les peuples que nous appelons barbares et païens nous haïssent et nous détestent, ils ont parfaitement raison. Partout où arrive l'Européen, il ne veut pas payer, mais seulement régner et commander, et d'ordinaire, sa domination est bien plus vexatoire que celle des indigènes. 26 décembre. Les expositions des morts au bord du Gange ne semblent pas être aussi fréquentes que le racontent beaucoup de voyageurs. Nous naviguions déjà depuis 15 jours sur le fleuve, nous avions passé près de beaucoup de villes et d'endroits très peuplés, et ce n'est qu'aujourd'hui que pareil spectacle s'offrit à ma vue. Le mourant était étendu tout près de l'eau. Autour de lui étaient plusieurs hommes, probablement des parents, qui attendaient le moment où il expirerait. L'hindou croit que s'il meurt la bouche pleine d'eau sacrée, près du fleuve même, il ne peut manquer d'entrer au ciel. Les parents ou les amis restent près du mourant jusqu'au coucher du soleil, ensuite ils rentrent et l'abandonnent à son sort. D'ordinaire, il devient la proie d'un crocodile. Je ne vis non plus que très rarement des cadavres flottant sur l'eau. Dans tout le voyage, je n'en aperçus pas plus de 2. La plupart des corps sont brûlés. 27 décembre, Ghazipur est un endroit considérable qui se fait déjà remarquer de loin par ses beaux ghôtes. On voit ici un joli monument élevé à la mémoire du comte de Cornouailles qui, en 1790, vainquit Tipo Sahib. Non loin de là est un grand haras qui, à ce qu'on dit, produit des chevaux d'une rare beauté. Mais ce qui distingue le plus particulièrement Ghazipur, ce sont ces immenses champs de roses et l'eau et l'huile de rose qu'on y fabrique. Cette huile se fait de la manière suivante. Sur 40 livres de roses avec leur calice, on verse 60 livres d'eau et on distille sur un feu lent. On en tire 30 livres d'eau de rose. Celle-ci est jetée de nouveau sur 40 livres de roses fraîches et on en distille tout au plus 20 litres d'eau qu'on expose ensuite à l'air frais pendant une nuit. Le lendemain, on trouve l'huile figée sur la surface de l'eau et on l'enlève. De 80 livres de roses, 200 000 fleurs, on en tire tout au plus 1,5 once d'huile. 1 once de véritable huile de rose coûte à Ghazipur même 40 roupies. Le 28 décembre, à 10h du matin, nous arrivâmes enfin dans la ville sacrée de Bénarès. Nous jetâmes l'ancre à Rajghat, où des coulisses porteurs et des chameaux étaient tout prêts pour nous recevoir. Avant de dire adieu au Gange, je dois faire remarquer que dans tout le voyage, qui est d'environ 1000 miles, je n'ai pas rencontré un seul endroit qui se distingue par une grande beauté ou par une vue pittoresque. Les rives sont plates ou bordées de berges hautes de 4 à 7 mètres et dans l'intérieur du pays, des plaines de sable alternent avec des plantations ou des prés desséchés ou de misérables jungles. On voit, il est vrai, des villes et des bourgades en grand nombre, mais à l'exception de quelques beaux édifices et de plusieurs gottes, ce ne sont que des amas de huttes et de baraques. Le fleuve lui-même est souvent divisé en plusieurs bras. Quelquefois, il est si large qu'il ressemble plus à un lac qu'à une rivière et que l'œil peut à peine en distinguer les bords. Fin de la première partie du 12e chapitre.